donc un peu les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, pratiquement tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, la 526e émission. Et ce soir, de quoi allons-nous parler? Vous avez vu un peu sur Facebook, sur le groupe Facebook Johnny de A à Z, on a parlé d'une idée Talk and Sing. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirais que c'est une première partie, hein. Il y en aura d'autres parties. Talk and Sing, qu'est-ce que ça veut dire? Johnny va, pendant 2 heures, il va parler et il va chanter. Ouais, on va retrouver donc cette première partie, ça sera consacré aux années 60, donc John Hayden va parler au fur et à mesure de sa progression dans le show business et tout ça, de 1960 jusqu'à 1969, comme ça on aura Johnny encore plus présent parmi nous. Voilà, ce qu'on va retrouver, il y aura plein de trucs, on aura John Hayden qui donc aura des passages radio ou des passages télé, puis aussi on aura des titres de John Hayden uniquement en live tout au long de cette émission, car évidemment le live c'était sa vie également, c'est là où il se sentait le mieux dans son métier de chanteur. Ça vous dirait qu'on attaque de suite cette émission avec John Hayden et sa première télévision. C'était en 1960, donc le 18 avril exactement. L'émission s'appelait L'école des vedettes. Êtes-vous prêts? Eh bien, moi je suis prêt. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne écoute à cette émission Johnny de A à Z sur RIG. Un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère qui est plus belle. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Donc un peu les filles. Avec ma momie hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait avec la guitare. Lorsque ma mère s'est radinée, laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, toi moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Allez, Rocky! Aimer des filles, laisse-toi aimer des filles, laisse-toi aimer des filles, laisse-toi aimer des filles, laisse-toi aimer des filles. Eh bien, ma petite Lynn Renault, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est monsieur oui, non. C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Alors, si vous... Non, c'est moi qui vous posez les questions. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors, c'est un produit moitié français, moitié américain. Et la chanson qu'il vient de chanter Laisse les filles. Eh bien, je suppose que c'est un conseil de sa mère, non? Pourquoi ça vous intéresse, les filles? Bien, vous n'avez pas vu tout à l'heure ce qu'il faisait avec les filles? Comment? Je n'ai pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Il a oui, non, et bien sûr. Et bien sûr, maintenant. Et, eh bien, je crois que pour ça, il faut le demander aux téléspectateurs, parce que à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. Et on lui dit de s'en aller parce que j'ai deux mots à dire à Lynn en particulier. Ah, excusez-nous. Maintenant, nous, entre femmes. Au revoir, Johnny. Au revoir, Johnny. Alors, Johnny, donc, a sa première télévision à l'école des vedettes, 10 avril 1960. À présent, on va retrouver Johnny Hallyday en 1961 au micro de Europe 1 pour son premier passage à l'Olympia. Johnny Hallyday, 18 ans. Quel est votre véritable nom? Jean-Philippe Smith. Pourquoi avez-vous choisi ce surnom de Hallyday? Eh bien, tout simplement parce que avant moi, mon cousin et sa femme faisaient un numéro de danse et ils s'appelaient les Hallyday. Depuis combien de temps chantez-vous? 2 ans. Combien de temps êtes-vous professionnel? 2 ans. 2 ans, oui. Que faisiez-vous avant? Avant, eh bien, je prenais des cours de guitare, je faisais le conservatoire de guitare. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Quelle formation avez-vous? Eh bien, j'ai une formation très simple, j'ai fait l'école primaire, c'est tout. Vous avez du succès, vous avez beaucoup de succès, vous le savez, même un succès très rapide. Alors, selon vous, comment l'expliquez-vous? Je chante et ça plaît à certaines personnes. Et... Au cours de votre spectacle, vous êtes habillé d'une façon un peu excentrique, vous roulez par terre. Est-ce que vous en éprouvez le besoin ou est-ce un facteur de succès, un facteur commercial? Non, j'en éprouvais pas le besoin, c'était simplement... c'était naturel, quoi. C'était une chose pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, ça se faisait comme ça. Johnny à l'Olympia, son premier Olympia en 1961. Pour vu qu'elle est un peu sportive, un peu. sommes donc lors du Musicorama de Europe 1 le 21 septembre 1961 et Johnny, enfin du moins, est dans la salle Pierre Bouteiller qui va interroger quelques personnes, quelques spectateurs au cours de cette chanson-là. Cette chanson avec une poignée de terre. Il a créé le monde et quand il eut créé la terre, tout en faisant sa ronde, le Seigneur jugea en somme qu'il manquait le minimum. Il créa la femme et la c'est une sorte de ce qu'on appelle le slow rock, c'est-à-dire que c'est à la fois rock et c'est à la fois doux. Ça commence à chauffer un peu. Pour vous parler franchement, la salle est étrangement calme. Et tous les inspecteurs en Suisse demandent un peu ce qu'ils sont venus faire là. Ils ont l'air de s'ennuyer parce qu'ils doivent pas beaucoup aimer le rock, j'ai l'impression. On regarde tout le monde, bien sûr, il y a pas mal de jeunes. Pour l'instant, je suis assis au balcon parmi le public le plus jeune de l'Olympia. Les invités, eux, sont au parterre, et là, nous sommes au balcon, mes amis. Et mon Dieu, c'est très calme. Et j'ai pu constater une chose, on dit que le jazz, que le rock'n'roll est une forme de jazz, mais tout à l'heure, quand les jeunes se sont mis à battre la mesure, je dois dire une chose, et bien, ils ne battent pas du tout en mesure. L'une des formes élémentaires du jazz consiste à connaître la mesure et à bien battre sur le contretemps. Les musiciens de jazz vous le diront. Et là, on bat dans les mains, bien sûr, mais on fait absolument n'importe quoi. Mais enfin, on doit reconnaître que le travail de Johnny Hallyday est parfait, du point de vue mise en scène, du point de vue réglage, c'est parfait. Il y a beaucoup de progrès sur l'Alhambra l'année dernière, au temps où il touchait 5000 anciens francs. Voilà, vous venez d'entendre le quatrième morceau. Applaudissements, sifflets, mais vous savez que dans le jazz... Oui, le jazz était maître encore à l'époque, bien entendu. Donc vous aviez écouté donc le Musicorama de Europe 1. Ce n'est pas la version éditée par Europe 1, mais une capture de la radio de l'époque qui a été remise après sur CD et qu'on a eu lors du coffret Olympia. C'était en 2019, il me semble maintenant. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est à peu près ça. Et donc ce concert, c'est vraiment un document, car on est Lucien Bouteiller, interroge après des spectateurs dans la salle, et c'est très intéressant. C'est amusant d'écouter un petit peu comme quoi le rock à l'époque n'était pas encore ancré dans les mœurs, et donc c'est intéressant à écouter. Sinon, voilà, on va retrouver Johnny Hallyday en train de parler un peu de lui, hein. Il se présente lors des actualités au RTF du 19 octobre 1961. Johnny Hallyday, paraît que vous êtes belge. Est-ce exact? Mais oui, mon père est belge. Je suis né à Paris, mais mon père est belge. Vous appelez Johnny Hallyday, c'est une longue histoire, j'imagine. Oh, c'est pas une tellement longue histoire, c'est... Le mari de ma cousine, qui est américain, ils avaient fait un numéro de danse sous le nom des Hallyday. Et puis moi, j'ai continué à chanter avec le nom des Hallyday. Comment s'appelle ce que vous faites, ce que vous chantez? C'est du rock? C'est du rock, c'est du rhythm and blues. Comment vous préparez ces rythmes? Eh bien, on ne les prépare pas, c'est tout fait. Absolument l'improvisation? Oui, de l'improvisation. C'est un rythme comme le jazz, mais plus accentué. Quel est votre public? Uniquement des jeunes? Non, j'ai juste un public de tous les âges, surtout depuis quelques temps. Quel effet ça fait d'être Johnny Hallyday? Le même que si je m'appelais Jean-Philippe Smet. Oui, croyez-vous? Il n'y a pas une différence, 1 600 000 disques vendus notamment. Oh, ne parlons pas de questions argent alors. Mais quel effet ça fait d'être une vedette à votre avis? Bien, moi, je ne m'en suis pas rendu compte parce que je vis très normalement, à part que tous les soirs, je pars pour chanter. Et quand je suis à Paris, je vis tout à fait de la même manière que je vivais il y a 2 ans, avec les mêmes copains. Est-ce que vous considérez comme un phénomène? Moi, pas du tout. Pas du tout? Non. Et combien de temps va durer votre vie, Johnny Hallyday? Qui sait?

Dans l'émission Soyez les bienvenus, émission du 18 juillet 1962. Et puis je ne sais même plus qui a présenté cette émission avec John Hallyday et Johnny qui s'accompagne seul à la guitare. Oui, il s'accompagne lui-même à la guitare. Il est très grand, il est grand Johnny. Et juste avant ça, il avait fait Jeux interdits. Et donc c'est un petit massage que j'ai, un passage que j'ai zappé, mais je le rediffuserai pour l'occasion. Voilà, voilà. Nous sommes à présent en 1964 et Johnny est dans l'émission Discorama du 15 mars 1964. Et cette émission a été présentée par Denise Glaser. Johnny Hallyday, c'est une de vos dernières apparitions sur la scène d'une part et à la télévision, je pense, avant votre service militaire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir ? Eh bien, pour l'instant, l'avenir pour moi, c'est le service militaire, oui. Avant tout. Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose dans votre métier, le fait de vous arrêter? Je ne vois pas ce que ça peut m'apporter, non. Simplement, il se trouve que tous les jeunes Français font leur service militaire et que ce serait impensable que moi, lorsque je chante, je ne le fasse pas. En somme, vous tenez à ce qu'on sache que vous avez de bons sentiments? Non, je ne tiens pas à ce qu'on sache que j'ai de bons sentiments. Je crois que c'est une chose normale. S'il y a des tas de millions de jeunes qui font leur service militaire, il n'y a pas de raison que Johnny Hallyday ne le fasse pas. La question que je voulais vous poser, c'était une question sur le plan professionnel. Parce que je suis frappée par une chose, c'est que je pense que parmi toute la nouvelle vague, en tant que chanteur masculin, je pense que vous êtes, à mon avis, le seul qui puisse aller très loin. Je pense à la vague du rock. Je pense que vous avez, d'une part, une présence physique réelle, et ça, la présence en scène, on l'a ou on ne l'a pas, et vous l'avez, que vous avez une voix, et que tout ça est encore, comment dire, plein de promesses. Je veux dire que on a l'impression que tout est encore à faire. Et je me demandais si le fait de vous arrêter pratiquement de travailler pour faire autre chose n'allait pas vous apporter un certain recul. Non, je ne pense pas, non, parce que vous savez, on évolue avec l'âge. Oui. Et moi, je me rends pas compte parce que moi, je ne me vois pas. Par exemple, mais il y a des gens qui m'ont dit que déjà depuis 3-4 ans que je chante, j'ai changé. C'est vrai. Et je pense que dans 4 ans, j'aurai encore changé. Je vous pose toutes ces questions qui ont l'air extrêmement, compliquées. Non, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que vous comptez évoluer? Évoluer, c'est une... Je ne comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire par là, parce que moi, je chante un style de musique. Oui. Ce qui s'appelle, nous en France, on appelle ça ce qu'on voudra, je ne sais pas, du yéyé ou de ce qu'on voudra. Mais c'est du rythme d'une blues. Enfin, vous demandez à n'importe quel musicien du jazz ou par exemple même à Jacques Dangin ce qu'il pensera des rock'n'roll, il dira c'est du rythme d'une blues. Et le rythme d'une blues, c'est un style de musique. Et je ne pense qu'on n'a pas besoin d'évoluer, on peut apprendre à le chanter mieux, mais je ne vois pas pourquoi on doit obligatoirement dire qu'il faut chanter autre chose pour évoluer, parce qu'on ne dit pas par exemple, à qui je pourrais dire comme chanteur, un autre chanteur d'un autre genre par exemple. Américain ? Français. Français ? C'est pas... On ne dit pas à Brassens, est-ce que vous comptez évoluer au lieu de chanter toujours avec une seule guitare ? Est-ce que vous comptez chanter avec un grand orchestre ? Ah non ! Sais, il a son style à lui, qui bien a sûr, fait. Bien sûr. Et je pense que... Il n'a pas besoin d'évoluer, il est très bien. Comme ça, il est formidable. Oui, il est formidable. Il est formidable, moi, je trouve. Et on peut toujours apprendre à chanter mieux dans son style. Mais si je chante, si je fais le style de tout le monde, je ne serai plus Johnny Hallyday. Ah, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas ça du tout que je vous demandais. Non, je ne répondais pas directement à vous. Là, je répondais à plusieurs personnes dans les interviews, déjà, qui m'ont déjà demandé cette question. Ah bon ? Non, non, moi, c'était pas du tout la question que je vous posais, mais enfin, vous avez bien fait d'y répondre. J'ai été très frappée par une chose tout à l'heure. Vous parliez avec Claudine Kirchner, qui a presque votre âge, qui est à peine un tout petit peu plus âgée que vous. Et vous lui disiez, vous ne comprenez rien au rock. Elle vous disait, et pourquoi je n'ai que quelques années de plus que vous ? Et vous lui disiez, il n'y a rien à faire, vous n'y comprenez rien. Non, parce qu'elle m'a donné quelques arguments qui, je ne l'ai pas dit exactement, elle ne comprenait pas tout à fait ce que voulait dire, enfin ce que représentait le rock, bon. Pour, mettons, une jeunesse qui a 20 ans. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que c'est ? Bien voilà, d'abord, elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a d'abord demandé la même question que vous venez de me poser. Et puis ensuite, elle m'a dit, vous ne croyez pas que ça fait trop de bruit sur scène ? J'ai été un peu déçu. Alors, c'est là que j'ai voulu lui expliquer que, par exemple, je ne sais pas si elle a été voir les Beatles, mais alors, par exemple, les Beatles, ça faisait beaucoup plus de bruit. C'est pas une question de bruit. Le rock'n'roll, c'est une question d'ambiance. Bien sûr, les paroles sont un peu étouffées dans le rock'n'roll. Seulement, comme je disais tout à l'heure, les chanteurs comme Brassens, par exemple, il n'y a presque pas de musique. C'est presque tout. Tout est basé sur les paroles. C'est un texte, oui. Et dans le rhythm and blues, c'est basé sur la musique, sur le rythme, enfin sur les gens d'accompagnement. Et surtout, le rock'n'roll, c'est une... Si on va et qu'on entend les paroles que je chante, bien sûr, on peut comprendre les paroles. Il faut, d'ailleurs. Bien sûr. Mais par exemple, si on entend trop bien la voix et que l'orchestre n'est pas assez fort, il n'y aura aucune ambiance. Et malgré tout, c'est une genre de musique où il faut avoir de l'ambiance. Et vous pensez que c'est l'ambiance qui est la plus importante ? C'est une genre de... Moi, j'étais en Amérique, j'ai fait plusieurs voyages. D'ailleurs, si j'ai dépensé de l'argent pour aller en Amérique, c'est pas tellement pour voir les Amériques. Bien sûr, j'y tenais. C'était surtout professionnellement pour voir les autres orchestres, comment c'était vraiment. Parce que malgré tout, c'est une musique qui nous vient quand même de là-bas. Eh bien, les orchestres là-bas, c'est toujours au maximum de force. Et d'ailleurs, mes musiciens qui m'accompagnent en ce moment, ce sont des Américains qui jouaient là-bas, en Amérique. Et le rock'n'roll, ça représente une genre d'excitation. Ça commence avec un rythme et ça finit à la fin où les gens, normalement, doivent battre des mains. Et je dis pas déchaînés, mais ils sont survoltés, si on veut. Voilà. C'était le 15 mars 1964, au creux d'une nouvelle vague rock de quelques années, l'opinion de Johnny Hallyday, chanteur de rock. Une date à retenir pour les amateurs d'histoire, des variétés en France. Tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange, mais moi je sais, tu n'as rien de tout ça. Oh non, c'est faux, tu n'as rien de tout ça. Mon cœur a vu combien tu me mentais. Tu n'es pas ce que je croyais. Tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange, mais moi je sais, tu n'as rien de tout ça. Oh non, c'est faux, tu n'as rien de tout ça. Je trouvais très étrange tous ces mots merveilleux. Je n'ai rien cru, tu sais trop bien mentir. Et même avec les yeux, tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange, mais moi je sais. Rien de tout ça. Oh non, c'est faux, tu n'as rien de tout ça. souvent, je pense à toi chaque seconde. Mais je ne sais pas si tu comprends combien je t'aime. Séparés en espérant se retrouver. Je t'écris souvent, je t'aime encore, que faut-il faire? Je voudrais mourir, il faut souffrir sur cette terre. Tu ne réponds pas, je suis tout seul, ma vie m'appelle. Peux t'avoir près de moi, te serrer dans. Demain je pars vers les casernes. Oui, je t'attendrai au long des jours et des semaines. Un autre que moi va t'emporter malgré ma peine, en aimant que lui. La version alternative, ou si vous préférez, les paroles alternatives de la chanson Pour moi la vie va commencer, ça c'était en 1963. On va retrouver Johnny Hallyday maintenant en interview sur l'antenne de Europe 1, et une interview de 1964 toujours, et Johnny interprétera deux titres, Le Parapluie ainsi que Peggy Sue. Bonsoir Johnny. Bonsoir, ça va ? Johnny Hallyday, ce soir, de 20h10 à 21h, avec un programme, il a des petites feuilles, il a des disques qu'il va vous présenter, des chansons de lui, et puis avec son orchestre qu'on présentera plus longuement tout à l'heure, tu nous le présenteras. Oui. D'accord, avec plaisir. Excusez-moi, partenaire, de vous interrompre ainsi, c'est Johnny qui est en train de parler avec tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de modèle réduit, de grande lithographie qu'on voit là? C'est une photo pour ma prochaine litho, c'est-à-dire ma prochaine affiche pour l'Olympia. C'est-à-dire, quelle est la date de l'Olympia? Le 6 février. Bon, parce que je te voyais te promener d'ailleurs, ayant le trac déjà hier soir. Bien oui, tu sais, d'abord j'avais le trac pour mes copains qui passaient hier soir. J'avais tort dans le fond, puisque ça s'est bien passé pour tout le monde. Et maintenant, aujourd'hui, je commence à avoir le trac pour moi. J'espère bien. Décris là la grande affiche qu'on va voir sur les murs de Paris bientôt là. C'est une affiche sur un fond de briques. Sur un fond de briques, un peu genre le Bronx à New York. Genre West Side Story en blue jean avec des chaussettes blanches, et puis bien sûr avec des chaussettes blanches, qu'est-ce qui va avec, c'est des tennis blanches, et puis le blouson blue jean, et la chemise américaine bien sûr. Assis par terre. Couché par terre pratiquement. Enfin appuyé contre le mur. Oui, quand même. Qu'est-ce qu'on écoute? J'aimerais moi qu'on écoute maintenant une chanson, c'est-à-dire la chanson à succès de Sylvie, qu'elle chante à l'Olympia. C'est qu'elle a fait une arrivée terrible. J'ai une émission de samedi où on parle d'une jeune fille qui lui ressemble là-bas d'ailleurs. Il y a une émission que je fais le samedi où on demande de plébisciter des titres et de faire une sorte de hit parade d'Europe numéro 1. Sylvie est arrivée juste derrière la mama. Je ne sais pas si elle doit le prendre bien ou mal, mais juste derrière la mama, il y a vraiment samedi, il y a quelques jours, donc en deuxième position des succès de la semaine. C'est pas mal. C'est bien, oui. J'espère qu'elle tiendra le coup. On n'est pas tout seul, là, il faut dire, les amis, les accompagnés. Oui, il y a mon orchestre. Oui. Ils viennent faire un disque d'ailleurs. Les Showmen, oui. Les Showmen. Alors tu vas les présenter puisqu'ils vont t'accompagner tout à l'heure. Tu vas évidemment. Enfin, ils vont pas seulement accompagner tout à l'heure, ils vont m'accompagner tout à l'heure et puis. Puis ils vont jouer. Ils vont jouer et puis ils m'accompagnent un peu partout maintenant. Oui, mais enfin dans l'immédiat pour notre émission là, tu sais que. Tu te rappelles le contrat qu'on a pris, oui. Qui est moral, c'est que tu avais deux chansons à chanter que tu n'as jamais chanté de ta vie. Oui, des chansons de. Tu nous diras ça tout à l'heure. D'accord. Pour l'instant, j'aimerais qu'on fasse un peu plus ample connaissance avec ton ensemble. D'accord. Alors, tu passes à gauche, écoute, à droite. J'ai commencé à droite. Vas-y. D'abord, à la trompette, il y a Yvan Julien. Pourquoi il ne la prend pas pour faire tut? Tut, fais tut. Tu l'as? Oui, elle était perdue par ça. Ah. Il sait faire autre chose, hein, vous verrez tout à l'heure. Je tiens à dire qu'il jouait avant dans l'orchestre, dans le grand orchestre de l'Olympia. Maintenant, il joue avec moi. Ensuite, il a mal tourné, quoi. Au saxo ténor, au saxo baryton, car il joue les deux. Il y a Jean Tozan qui est de Nice. Pourquoi il ne fait pas de tut? Très bien. À la batterie, il y a Bobby Clark qui était avant avec Vince Taylor et qui a joué avec beaucoup de vedettes américaines. Ça c'est Bobby Clark, ça. Ensuite, il y a les deux Américains que j'ai ramenés de New York. Il y a d'abord en guitare basse, il y a Ralphie Di Petro. Et puis le chef des Showmen, enfin il n'y a pas vraiment de chef, ils sont tous au plan égo. Guitare solo. Et en guitare solo, il y a Joey Greco. Ça c'est Joey Greco. Ensuite en guitare d'accompagnement, il y a Claude Jaoui. Je tiens à dire que Claude Jaoui est marseillais. Voilà. Et puis il y a Marc Emler qui, on ne sait pas s'il est français ou suisse. Enfin, il est de Lyon, il est de Genève, de Paris, un peu de partout. Alors il est sûrement suisse. Bon. Ça vous dérange pas, non, qu'on ait l'antenne là? Ah, c'est l'idée. Ah oui. J'avais soif, j'ai voulu une bière. J'espère que d'accord, quand tu veux. Mais pour l'instant, tes musiciens sont en place. Emler, quand vous aurez fini de vider votre verre, vous irez au piano, s'il vous plaît, mon cher ami. Voilà, merci beaucoup, parce que maintenant... selon la tradition de ces émissions, nous allons demander à Johnny de chanter quelque chose qu'il n'est pas l'habitude de chanter, à sa manière. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, pour donner un exemple, Richard avait chanté Maria de West Side. Oui, j'ai entendu, oui. Sylvie avait chanté une chanson de Françoise Hardy. Françoise Hardy avait chanté Les Bras en Croix. Enfin, voilà. Alors, combien de chansons tu veux que je chante? Bah, pour l'instant, j'en voudrais une. On verra après si on a le temps. Bon, bah, écoute, moi, je propose une chanson, d'ailleurs, de, pour moi, d'un des plus grands poètes, pour moi. Qu'est-ce que, oui, alors, qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que tu as envie de chanter des fois que tu ne peux pas chanter? Mais moi, avant de chanter, c'est-à-dire il y a longtemps, il y a 5 ans, avant de chanter le genre de chansons que je chante actuellement, je chantais Brassens. Je chantais les chansons de Brassens. Pas le gorille, tu vois, mais enfin, les chansons comme, par exemple, Le Petit Cheval Blanc ou Le Parapluie, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu veux chanter, là, alors? On va s'amuser, tiens. J'aimerais bien chanter Le Parapluie. Eh ben voilà, vous êtes d'accord, messieurs? Oui, oui, vous êtes prêts? Attention, silence. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un vol sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, hardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, doux ira de le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, hardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, hardi. Merci, et ben voilà, vous avez entendu pour une fois, pour la première et dernière fois d'ailleurs. Peut-être pas la dernière. En principe, quand même. Pas cette chanson-là, oui, mais... Le Parapluie par Johnny Hallyday. Voilà, une chanson de Georges Brassens, qu'il a interprété avec son orchestre, à sa manière d'ailleurs. Je veux dire que si on enlevait le chant et qu'on écoutait le playback, tu sais, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pourraient reconnaître le Parapluie. Tu vois, si on enlevait ta voix, ouais, qu'on gardait l'orchestre. Non, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être beaucoup de choses, ouais, d'ailleurs, aussi. Beaucoup de tes chansons. Parlons de l'Olympia maintenant. L'Olympia, oui, qui va arriver le 6 février. Tu, oui, vas y être avec qui? Je vais y être avec Hugues Offray. Oui, en vedette américaine? Oui. Il y aura Hugues, il y aura... Il a déjà fait une tournée avec toi, Hugues? Oui, bien sûr, il vient de faire les dernières tournées. On s'était vu à Lyon, au Palais d'Hiver. Donc, oui. Il y aura encore... Il y aura... Attends, dans le programme, je ne sais pas encore qui il y aura d'autres. Je sais qu'il y aura... je serai accompagné, par Joey Les Showmen, c'est mon orchestre. Enfin, c'est les musiciens qui ont joué les disques tout à l'heure. Et puis derrière mes musiciens, grand orchestre, il y aura le grand orchestre dirigé par Jacques Dangean. Ah, Jacques Dangean, oui. Celui des Gams, là. C'est ça, oui. D'accord. On va le retrouver à cette occasion, donc. J'abandonne tous mes amours, oui. Ouais. Tous mes amours? Ben écoute, tu sais, il y a eu une petite faute. Sur le disque, il est marqué J'abandonne mes amours. Et le vrai titre original, c'était J'abandonne tous mes amours. Enfin, c'est pas grave, on s'habituera à J'abandonne mes amours. Ouais. De toute façon, l'auteur s'est pas vexé. Non, surtout que c'est Ralph Bernet. Ouais. Et c'est un spécialiste de tes paroles. C'est un spécialiste, hein, oui. Oh, ben, tu sais, c'est lui qui fait beaucoup de mes chansons. Enfin, pour ainsi dire, 80%. C'est qu'il a mal tourné aussi, Ralph Bernhardt. Oui, il s'est mis chanteur. Ah oui. J'ai vu ça. Vous êtes prêts, messieurs? Vous êtes prêts, là? Ouais, ouais, ça va. Parce que dans quelques instants, nous allons avoir droit au deuxième direct de Johnny. Alors, tu vas, après Brassens, tu vas piller dans le répertoire d'un camarade pour nous trouver une chanson que tu ne chanteras que ce soir. Ouais. Eh bien, moi, j'ai décidé de faire une chanson de Richard. Ouais. Parce que Richard a toujours fait des chansons que j'aurais voulu faire. Ah ouais. Mais alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire un de ses derniers succès. J'ai envie de faire une chanson qu'il a fait il y a quand même assez longtemps. Quelle est cette chanson? Peggy Sue. Bon, bah alors tu vas jusqu'au micro là-bas, puis on va démarrer. Attention! Oui, chaque tour de roue, oh Peggy Sue, elle me rapproche un peu de vous. Oh Peggy, oh ma Peggy Sue. En répétant ce thème, je t'aime, Peggy Sue. Je te l'avoue, oh Peggy Sue, je n'existe plus sans vous. Oh Peggy, oh ma Peggy Sue. C'est moi loin de vous, j'étais jaloux, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, jolie, jolie, jolie, jolie Peggy Sue. Oh, oh Peggy, oh my Peggy Sue. Je vois en rêvant aux beaux grands yeux de Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, je serai à vos genoux. Oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Près de vous chérie, loin de tout, ma Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, jolie, jolie, jolie, jolie Peggy Sue. Oh, oh Peggy, oh, ma Peggy Sue. Je suis tout à vous, rien qu'à vous, ma Peggy Sue. Oui, je suis tout à vous, rien qu'à vous, ma Peggy Sue. Oui, oui. Bon. Tu peux revenir. C'était voilà. Pour la première et la dernière fois encore par Peggy Sue. Peggy Sue, qu'il a emprunté pour une soirée à Richard. Bon, puisqu'on passe en revue tes auteurs, là, on peut parler de Jean-Jacques Debout aussi. Oui. Jean-Jacques Debout qui a fait des chansons pour. Oui, je tiens à dire d'ailleurs que je vais à l'Olympia, quoi. Jean-Jacques a fait une chanson pour moi il y a très longtemps. Il a fait une chanson pour. Qui parle de l'armée. Tu vois, parle de départ. C'est là, le gars qui aime une fille et qui. Enfin, l'histoire de n'importe quel gars, quoi. Ouais. Qui écrit souvent à sa fille parce qu'il part au service militaire et il lui écrit qu'il espère que quand il reviendra, elle ne l'aura pas oublié. Mmh. Alors, j'ai pas encore enregistré la chanson, mais je vais la chanter à l'Olympia, sans l'avoir enregistrée. Ce sera une des nouvelles chansons. Oui, et il sortira sur l'enregistrement, enfin un disque qui sortira. John a été. Non, mais pendant l'Olympia. Ah, dans un mois, il sortira, oui. Johnny Hallyday a enregistré l'Olympia. Tu vois, ce sera enregistré sur la scène avec le public. D'accord. Alors la chanson sortira en public. Il est parti. Johnny n'est pas encore parti d'ailleurs. L'orchestre non plus, que vous allez entendre maintenant. L'indicatif fin, pas encore. On va écouter une chanson de Johnny auparavant. Mais Johnny est en train de regarder, non pas le courrier, parce qu'il n'aurait pas le temps, mais quelques questions auxquelles il pourrait répondre éventuellement parmi celles qu'on a sélectionnées. Là. Alors tu as des. Bon, bah, tu l'as rayé, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il y a pars-tu à l'armée en mai ou en mars? Oui, en mai. Bon, quand passeras-tu à l'Olympia? Pour combien de temps? Ça s'est fait, 6 février, pour combien de temps? Oui, tu sais, je sais pas exactement. Un mois, plus, si ça marche bien, enfin... Ouais. Bon, ouais. Quel style tu vas avoir? Dans quel style tu vas t'engager à l'Olympia pour cette rentrée? Est-ce que tu vas être traditionnel, changer de genre à la chanson? Comment tu sais, moi je vais chanter... Vous chantez des chansons rock, des chansons lentes. Lentes? Oui, non. Rock enfin. Bon, est-ce que t'aimerais qu'on... qu'on casse les fauteuils comme on l'a fait il y a un bout de temps? Encore. Je crois pas qu'on le fasse. On n'a jamais cassé les fauteuils à l'Olympiade, tu sais. Non, enfin qu'on le dise du moins. Non, tu sais, c'est pas à moi de le dire. Moi je suis chanteur, je ne suis pas dans la salle. Mais t'es mieux qu'on t'entende quand tu chantes, c'est ça que je vais te demander. Oui, de toute façon, oui. Bon. De toute façon, même si on casse les fauteuils, je crois qu'on m'entend quand même. Ah bon? Oui, enfin ça dépend. Ça dépend des fauteuils. Hein. Quelle est l'époque à laquelle tu aurais aimé vivre? Ça se tient, voilà encore une question. Moi j'aurais aimé vivre. Maintenant. J'aurais été. J'aurais aimé être cow-boy, tu vois. Hein? Ouais. Bon, c'est pas si loin. Je dis pas shérif, mais enfin. Ouais, le vilain bandit qui se convertit à la fin, non? Voilà, c'est ça. Ouais. D'où viens-tu D'où viens-tu Billy bon. Jones. Bon, tu reviendras jouer avec nous un petit peu à ce. Ben oui. La soirée, Johnny, quand tu seras là. Il suffit que tu me passes un coup de fil. Quand tu as envie que je vienne, je viens. Eh ben, à bientôt alors. D'accord. À très bientôt. On va écouter les showmen auxquels on dit bonsoir d'ailleurs. Nous jouons l'indicatif de fin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. A présenté le Sanson, ses musiciens, ses musiciens pour l'Olympiade de 1964 qu'on va retrouver tout de suite. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Présenté par Ali Hallyday. Accompagné par le grand orchestre de Daniel Genin, dirigé par Jacques Dangean. Et la formation de Joey et le showman. Bruno Cocatrix a le plaisir de vous présenter. Johnny Hallyday à l'Olympia 1964. Elle me faisait l'aimer. elle n'est plus, non, non, elle n'est plus, non, non. Le jour s'est levé, l'amour envolé, et malgré le jour, oui, malgré le jour, je n'oublierai pas. Ah, ah, ah, ah, yeah. Succès de Johnny Hallyday, Allô la Pierre, 1964. Et vous écoutez donc l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG90.7 de la bande FM, RIGFM.fr. Et ce soir dans l'émission, la 426e émission de Johnny de A à Z, Johnny chante et parle en même temps. Donc on l'écoute lors de différentes interventions, lors de passages télévisés ou de radio. Et là, on va écouter toujours au micro de Europe 1, Johnny Hallyday qui a fêté ses 21 ans. Donc nous sommes toujours en 1964. Et avec Sylvie, accompagnée de Sylvie, qui parle, elle, du service militaire. C'est juste un petit gueuleton d'anniversaire sympa, quoi. Un petit truc vite fait. Il y a un gâteau. Il y a un gâteau, oui. Avec 21 bougies. 21 bougies, oui. Sylvie Vartan, quand Johnny est arrivé, vous êtes allé le chercher. Comment se sont passées ces retrouvailles? Le mieux possible, le mieux du monde. Votre première réaction, vous avez couru, vous avez sauté dans ses bras? Ah oui, je crois que c'est une réaction normale. Ce week-end, comment l'avez-vous passé? De quelle manière? Un week-end d'amoureux? Oh bah pas tellement, étant donné qu'on était à peu près 30 et qu'on a fêté son anniversaire à la campagne. Vous trouvez pas que c'est un peu court, 2 jours seulement de permission? Oui, c'est très court. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, il partirait pas du tout. Vous trouvez ça normal quand même qu'un garçon fasse son service militaire? Non, je trouve ça complètement idiot. Pourquoi? Je suis antimilitariste de toute façon, alors. Parce que je trouve que c'est du temps perdu et qu'on envoie les garçons très jeunes à l'armée et ça leur coupe leurs études ou bien alors leur vie de famille ou alors leur métier, ou ce qui est toujours pareil. Alors pendant un an, c'est le creux, puis alors après, il faut se remettre. Ça pose des problèmes pour tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé Johnny changé depuis le début du service? Ah oui, beaucoup. D'abord, il a beaucoup minci, il est très bronzé, puis il est de plus en plus beau, je trouve. On retrouve Johnny Hallyday à Fréjus en 1966, le 30 juillet exactement, avec deux titres, Les Monts Près du Ciel et Pour nos joies et pour nos peines. Je veux vous entendre taper dans vos mains. Qu'on abandonne, la pluie coule en larmes sur le sol. Trop souvent je suis venu, mais trop souvent touché. J'étais si heureux quand j'étais près d'elle, là-haut sur le mont près du ciel. Jour après jour, je suis revenu l'attendre, en mettant mon cœur à l'armée à cendre. Oh, si tu pouvais être seul au sein. Fais penser revenir ici, et je chaque fois te revois plus belle, là-haut sur le mont près du ciel. Les monts près du ciel, les monts près du ciel, j'y ai tant souffert. Les appels, les monts près du ciel, pour moi c'est l'enfer. En battant la ville, les gens vivent, les gens s'aiment. Et voici l'église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autel est couvert de fleurs. Les cachets qui sonnent cognent dans mon pauvre cœur. Et je pleure, c'est mon amour perdu, là-haut sur les monts près du ciel. Ouais. souffrir. On les appelle les maîtres du ciel. Pour moi, c'est l'enfer. En partant la ville, les gens vivent et les gens s'aiment. J'ai passé l'église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'hôtel est couvert de fleurs. Les cloches qui sonnent cognent dans mon pauvre cœur. Et j'en pleure, c'est mon amour perdu. Là-haut sur le ventre du ciel. Là-haut sur le ventre du ciel. Ouais, là-haut sur le ventre du ciel. Voici maintenant sur des paroles de Jean-Jacques Debout. Pour l'oiseau qui a chanté Alléluia, sur l'arbre qui a gelé Alléluia, pour la fille abandonnée. Avec Mickey Jones et Tommy Brown. Petit anachronisme au cours de cette émission-là, on va revenir à l'instant, c'était Johnny Hallyday à Fréjus en 66, et là on va revenir à Johnny Hallyday en 1965. Oui, j'ai mal classé l'ordre du programme. En 1965, Johnny Hallyday à la télévision lors d'une interview, télévisée donc le 8 septembre 1965. Vous êtes jeune, bien sûr, et la question est peut-être mal posée, mal placée, mais est-ce que vous avez des regrets ? Des regrets de quoi ? Je ne sais pas. Oh, bien sûr, on a toujours des regrets dans la vie. Lesquels, par exemple ? Parce que j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Ben, je le regrette d'abord, bien sûr, de ne pas avoir connu mes parents. C'est toujours un regret. Surtout quand on arrive à avoir 22 ans, on se dit peut-être que j'aurais pu faire autre chose dans la vie. Quand je suis très content d'être chanteur. Ouais, d'accord. Ça, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin... Peut-être qu'il y a des choses que j'ai peut-être manqué. Je ne sais pas ce que c'est que l'affection des parents. Peut-être que c'est formidable, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais voulu, je ne sais pas moi, habiter plus longtemps en Angleterre. Ou... Enfin, est-ce que vous avez l'impression d'être un homme fait déjà ? On n'est jamais vraiment fait. On a peut-être l'impression toujours, mais plus on vieillit, plus on change... Mentalement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire ? Ah oui, je pense. Moi, je sais déjà qu'avant d'entrer à l'armée, je pensais déjà tout autrement que maintenant. Alors je pense que dans 2 ans, ce sera à peu près pareil. Je pense vous avez une autre idée, une autre opinion sur les gens, sur les choses, sur la vie en général. D'ailleurs, vous savez que plus le temps avance, plus je connais mon métier, plus je connais les gens. Avant, je me méfiais beaucoup plus des gens parce que j'avais toujours l'impression qu'on voulait me rouler. J'étais pas très bien encore dans ma peau. Maintenant, je fais beaucoup plus confiance aux gens et je pense aussi que je m'aperçois très rapidement si les gens sont sincères maintenant qu'avant. Qu'est-ce que vous pensez des croulants ? Des croulants ? Ouais, ce qu'on appelle les croulants. Bon, je pense que il y a une époque pour tout le monde. Moi, je serai un croulant aussi. Dans combien de temps ? Dans combien de temps ? Ça dépendra de ma mentalité quand j'aurai... Au fond, quel âge est-on un croulant ? Il n'y a pas d'âge pour être un croulant. On peut être un croulant à 20 ans. Il suffit d'être jeune d'esprit. Johnny Hallyday est une idole. C'est incontestable. Même si l'enthousiasme de bonne compagnie et du Kursaal de Stand ne ressemble en rien à la frénésie du Palais des Sports. Car voyez-vous, les blousons noirs sont devenus des copains. De Johnny, ils savent tout. Qu'il perd 2 kilos à chaque représentation, qu'il a réalisé un vieux rêve en achetant Montfort-Lamoury, une vieille ferme transformée en ranch de luxe, qu'il gagne plus en une soirée qu'un travailleur en 1 an, mais comme l'écrit une jeune fille de 17 ans dans une revue de teenager, nous on s'en fiche qu'il soit milliardaire, je dirais même que dans un sens, je suis contente pour lui. Cela fait râler les vieux. Pas tous les vieux, à vrai dire, car le yéyé, c'est aussi l'industrie. 30 millions de disques vendus, 2 milliards de chiffres d'affaires. En France, 5 millions de jeunes de 13 à 19 ans disposant de plus de liberté et surtout de 10 fois plus d'argent de poche qu'avant-guerre. Les croulants sont aussi dans le coup. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et 2 mois plus tard, Johnny occupait l'Olympia à nouveau, hein, lors de ce Musicorama. C'était le 25 novembre 1965. Hein, 2 titres, Pour moi, tu es la seule et Mon anneau d'or. J'en ai vu beaucoup des toits de ville en ville, mais jamais sur mon chemin une fille comme toi. Pour mieux, cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas, car pour moi, tu es la seule. Ta façon, oui, de m'enlacer, c'est me troubler. Ta façon, oui, de m'embrasser, me fait crier. Et pour moi, tu es la seule. Non, pour moi, tu es la seule. T'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Pour t'en voir les cartons, arrête le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin tu te rejoins, car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Ta façon de me regarder, de me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait crier. Pour moi tu es la seule. Que ces filles dans les journaux. Pour te voir les garçons arrêtent le retour. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin tu tiens à toi. Car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon est de hurler, l'esprit rêvé. Pour moi tu es la seule. La seule. de prendre sa guitare. Et c'est vrai, vous faites casser les douilles, la quitte guère. J'aimerais bien que Sacha vienne jouer à ma place. Un peu de guitare. Mon anneau d'or, quand tremblant, j'ai glissé à ton doigt, il était fait pour toi. Mon anneau d'or, en rêvant, je l'ai bu bien des fois, qui brillait à ton doigt. Depuis bien des années, il ne m'a pas quitté, plus fidèle qu'un ami. Quand j'avais mes ennuis, mon anneau d'or, bien souvent aux œuvres noires me disait qu'un beau jour tu viendrais. Le bonheur, je l'ai cru là parfois. Mais toujours l'anneau d'or me disait non, cherche encore, ton amour n'est pas là. Mon anneau d'or, ça c'était son destin de finir à ton doigt. Je n'ai aidé à l'Olympia Europe. Donc, le 12 avril 1965, célébration du mariage de Johnny et Sylvie. Et en 1966, Johnny annonce la naissance de son fils David, du moins le découvre. Et donc, la presse est là. C'était donc le 14 août 1966, au micro de Europe 1. Alors, Johnny, heureux ? Ah oui. Quand vous avez appris ça, comment ça s'est passé ? Bah, vous savez, moi, je suis sorti de scène. Enfin, j'étais à côté de Milan, en train de faire un gala. Et puis... on m'a téléphoné de Paris pour me dire que j'étais papa d'un garçon. Alors, sur le moment, j'y croyais pas. Enfin, j'y croyais, mais ça m'a fait une bonne impression. Et puis, j'ai surtout réalisé dans l'avion en train, quand je suis venu surtout à Paris. Et puis quand je l'ai vu, alors c'était formidable. C'est indéfinissable comme impression, c'est formidable. Et je suis complètement étonné, fatigué, je n'en peux plus. Enfin, et le garçon, il vous ressemble ? Bah, on dit qu'il me ressemble, il paraît que c'est mon portrait graché. Moi, je trouve qu'il me ressemble pas, qu'il ressemble pas à Sylvie. Je trouve qu'il ressemble à personne. Comment va Sylvie ? Sylvie va. Elle est très fatiguée, mais elle va très bien. Allô Sylvie ? André ? Comment te sens-tu aujourd'hui ? Ah, beaucoup mieux. Ah oui, ta voix, effectivement, est devenue ce qu'elle était avant. Je suis en pleine forme. Tout au moins pour parler, t'as pas encore essayé de chanter, non, je pense ? Ah non, non. Et ton fils ? Il est très sage, il dort là. C'est dommage, on aurait pu essayer de lui faire dire quelque chose. Ah non, il pleure pas souvent, tu sais. Oh, mais sans le faire pleurer, on aurait pu le faire rire toujours. Il rit un peu quand tu le chatouilles sous le menton, non ? J'ai pas essayé encore. Mais il doit quand même te tarder maintenant de recommencer à faire autre chose. Bah, tu sais, j'ai beaucoup de projets, évidemment. Il faudrait que je les fasse à la rentrée. Et pour ça, je vais partir d'abord un petit peu en vacances. Pour bien me remettre, et puis après, ça recommence. Où vas-tu aller en vacances, à la campagne ? Non, je sais pas trop, peut-être en Corse. Avec David, bien sûr. Oh bah, il est trop petit encore, malheureusement. que tu saches, je tombe entre les mains du fossoyeur. Cet homme n'était pas un lâche, il est mort pour sauver son honneur. Mon fils, tu ne peux pas comprendre, si cet homme a dû prendre son fusil, c'était pour mieux se défendre. Et c'est lui qu'on enterre aujourd'hui. Et les hommes près des ténors, les hommes qui volent et qui pillent, ont incendié sa maison, ont ravagé la moisson et ont fait pleurer sa fille. Et ces hommes, et ces hommes courent en terre. Mon fils, tu vois cette femme et être fière de lui dans son malheur. Sa vie se termine en larmes. On enterre la moitié de son cœur. Mon fils, tu vois cette couronne, je prouve qu'il n'était pas seul dans la ville. Écoute la cloche qui sonne, même le bateau était son ami. Mais les hommes rêvaient du mort, ouais, les hommes de sang et de haine. Par une nuit tranquille, c'est la ville et on détruit son domaine. Et ces hommes, et ces hommes courent en terre. Mon fils, il faut que l'on rentre. Ce n'est pas un spectacle pour un garçon. Il faut que l'on rentre, car ta mère nous attend à la maison. Johnny Hallyday en 1968, merci, c'était merci, à merci Grenoble. Beaucoup. Le 10 février, lors du Musicorama, puis lors d'ouverture des Jeux Olympiques 68. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous aux Jeux Olympiques. Merci, je viens de le dire. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Alors voici maintenant une petite chanson que j'ai dit. Eh bien, on n'écoutera pas cette chanson-là. Ah oui, on va retrouver John Hallyday lors d'un reportage qui a été diffusé en 1967, mais ça concernait 1966. Donc, c'était le retour de Johnny. Un artiste a besoin d'une vie privée, déclarait Johnny. On va retrouver aussi John Hallyday à l'Olympia avec Bruno Coquatrix et puis Johnny lors des répétitions pour ce fameux Olympia de 1966. On écoute ça tout de suite dans ce spécial Johnny de A à Z, Talk and Sing. Il parle, Johnny parle. Et il chante en même temps, non pas en même temps, mais il fait les deux. On entend beaucoup plus Johnny parler dans cette émission que dans une autre, que dans les autres. Les gens ne comprennent pas qu'un artiste est un homme ou une femme avant tout. Si c'est un artiste, c'est le métier qu'il fait, mais un artiste a autant le droit qu'un autre d'avoir une vie privée. Donc la presse, la sensation te répugne, mais tu l'acceptes. Mais un artiste en a même besoin plus qu'un autre d'une vie privée, parce qu'il est tellement homme public et tellement tout le temps dehors, tout le temps en devant jouer le jeu de son personnage qui s'est imposé et que les gens le voient tel que quand il peut avoir, je ne sais pas, peut-être une heure de vie privée chez lui ou avec des amis ou avec sa femme ou avec sa fiancée, je ne sais pas, mais enfin, je pense que c'est... On ne peut pas lui enlever ça, tu comprends? Et en plus de ça, alors, ces gens-là se mêlent encore de cette pauvre petite heure que ce gars a pour lui. Et je trouve que c'est... C'est un métier formidable, mais qui a aussi beaucoup de désavantages. Tu te rends compte ce qui est arrivé ce soir ? Qu'est-ce que tu te rends compte ? C'est ça. T'as été chanteur de rock ? T'as été plus fort que t'as jamais été de ta vie. Mais non, il n'y a plus de chanteur de rock, il y en a un, c'est tout. Dommage qu'on n'a pas fait ce tour-là l'année dernière. Le problème, il y a rien. Permettre d'affaire. T'as jamais été comme ça de ta vie. C'est vrai ? Jamais. Arrive-toi devant le concours, ça. C'est vachement important. Pas imaginer ce que tu as fait. Pas imaginer ce que tu as fait. Pas imaginer ce que tu as fait. Il n'y a pas de bon public. Il y a qu'à voir si la première partie était bon. Il n'y a pas de bon public. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Des trucs. Mais t'as été colossal. Mais le rock est loin d'être mort quand même. Je vais te dire, il n'est pas mort. Oui, si on tombe sur des gens comme toi, mais des gens comme toi, tu sais, moi je les connais tous, les rockers, les Américains, les Anglais, les Tibétains et les Patagons, tu comprends ? Il y en a ? Ben il n'y en a pas lourd. Hein. Il y a des Tibétains. Il y en a ? Oh, il y a un rocker tibétain. On va le dire, on peut l'écrire, vous avez dit. Il y a des rockers tibétains. Ah ouais ? Comment il s'appelle ? Ah, hein, oh, ça, alors c'est trop compliqué à prononcer. Prochain, on aura le musical du Tibet. Hein. C'est pas David. C'est mignon, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent quand tu touches 1,5 million pour chanter un soir, tu chantes, tu mets 1,5 million dans ta poche, tu t'en vas et puis c'est fini. Non, malheureusement d'ailleurs. J'ai déjà 1,5 million, déjà 500 000 francs qui sont déjà pour mes musiciens. J'ai mon sonorisateur avec la sonorisation. J'emmène également un gars avec moi qui fait les lumières qu'il faut payer. J'ai mon administrateur Jean-Pierre Bloch qu'il faut payer. J'ai mon secrétaire qu'il faut payer. J'ai la première partie, 300 000 francs des artistes que j'engage en première partie, qu'il faut également payer. Enfin, plus les hôtels, les déplacements, l'essence de la voiture. Il faut que je loue un grand car pour que les musiciens aillent dedans transporter le matériel, plus les amplis qu'il faut acheter, la sonorisation et tout ça. En fin de compte, j'arrive à toucher à peu près pareil que les musiciens. Oui. J'aime courir, mais quand tu viens, je veux rester. Je suis sincère, je vais mourir si tu ne veux pas croire à tout. Tu es né pour être en moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin de la chanson de ton métier pour vivre. Bah, tu sais, si je n'ai pas ça, qu'est-ce que j'ai ? Pas grand-chose. Et puis c'est devenu maintenant une habitude, ça fait quand même 8 ans que je fais ce métier, ça fait 8 ans que je l'ai. Ça fait 8 ans que mes fans me sont restés fidèles. Si du jour au lendemain je change, je ne fais plus ce métier-là, Évidemment, je suis grand, fort. Je dis, je peux toujours travailler, faire autre chose. Je suis pas plus bête qu'un autre. Mais je pourrais pas m'habituer à faire autre chose parce que j'aime ce métier et puis j'aime mon public. Et en fin de compte, ce métier m'aide beaucoup plus à vivre qu'on peut le penser. À vivre, je parle, quand je dis il m'aide à vivre, moralement surtout. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On a entendu Johnny Hallyday répéter pour l'Olympia 1966. Et là, on le retrouve le 18 octobre 1966 avec Je me suis lavé les mains dans une salle. Au mon pays, c'est un pigeon. Je me souviens quand tu disais sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses et dans des chiens sur ton dos. Et mon fils ne te trouver pleurant de rond contre quatre murs gris. J'ai mis les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière où coule le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale. J'ai essayé de travailler. J'étais même bon ouvrier. Mais la vie pour qui je vivais qu'un homme sans destin et sans rien. Johnny à l'Olympia 1966 avec ce titre extrait de l'album Génération perdue, Quand un homme perd ses rêves, tout comme la chanson J'ai mis les mains dans une eau sale. John Hayden en 1969 fête ses 10 ans de chanson et là il est au micro de Europa. Bon Johnny, vous savez qui vous attend, hein? Eh oui, je sais, oui. Pas voir que j'y aille d'ailleurs. Joyeux anniversaire, hein. C'est 10 ans de chanson que vous fêtez? 10 ans de chanson, oui. Enfin, c'est-à-dire que j'avais débuté au golf il y a 10 ans et aujourd'hui j'ai voulu fêter ça en quelque sorte et profiter de la première réunion du club. Une sorte de pèlerinage et de retour aux sources. Voilà, c'est ça, ouais. Depuis 14 ans, j'aime Johnny. Je l'ai mieux. Toujours aimé. Toujours, je l'ai mieux. C'est la première fois que je viens le voir et je l'attends avec impatience. Johnny. C'est le Dieu tout-puissant qui l'a. Oh ben Johnny. Après, vous de force pour aller le chercher. Mais vous avez pas peur de mourir étouffé là? Étouffé? Oh non, non, non. Pas Johnny, on croit rien. Non mais quand il y a Johnny qui est là, on a Johnny dans le cœur, on risque rien. Vous savez que ces gens-là qui sont dans la salle, ils sont absolument hystériques, ils sont foutus, ils sont prêts à vous suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inquiète pas un peu? Non, je trouve ça bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tout à l'heure. Merci Johnny. Un prochain anniversaire, lequel? Ben, oui, ben, dans... Disons pas 10 ans, parce que ça fait loin, mais... Je sais pas, moi... Dans 5 ans, disons. C'est moins long. Vous êtes prêts? Qui sont prêts dans la nuit, et que sais-tu d'un vieil Johnny à l'instant dans Télé Dimanche, c'était le 29 septembre 1968 avec Jeune Homme. Et voici maintenant Musicorama d'Europe 1 le 21 juillet 1968 et ce titre, Je n'ai jamais voulu croire. Le papier était froissé. Elle avait pleuré sans doute. Les mots étaient effacés. Je n'ai jamais voulu croire à ce que à son amour. Yeah. Johnny parle et chante dans cette émission spéciale Johnny Hallyday des années 60. Nous sommes en 1969 et là, nous sommes dans l'émission Carrefour du 2 mars 1969. Johnny nous parle de la cuvée Johnny 1969 et donc, et là, il est à Genève. Johnny Hallyday, vous passez ce soir dans un club privé genevois. Ça nous est l'occasion de faire peut-être un petit tour d'horizon. Quelle est la cuvée 1969, Johnny Hallyday? Comment la caractérise-t-on? Oh ben, elle a pas mal commencé. D'abord, j'avais arrêté pendant 6 mois à cause d'un accident. Et puis j'ai recommencé, là, il y a une dizaine de jours, dans une tournée qui m'amène donc à Genève, dans d'autres villes de France, Toulouse, Dijon, enfin. Et ensuite, je vais une tournée qui se termine le 8, qui va m'amener à Rome ensuite, pour une télévision, et puis pour signer un contrat de film. Est-ce que le style de Johnny Hallyday a changé? Oui, un peu, oui. J'ai changé de formule un peu, j'ai changé aussi de musicien. J'ai abandonné un petit peu ce côté cuivre, enfin ce côté trompette derrière, et puis pour ajouter, pour renforcer un peu le son de guitare. Et au lieu de chanter plutôt que 80% de chansons commerciales, j'en chante beaucoup moins. Je fais plutôt des styles de chansons blues, enfin. Est-ce que les amis de Johnny Hallyday ont changé? Bah, vous savez, les amis, ils viennent, ils s'en vont. Il y en a qui restent. C'est un métier. Non, c'est un métier. On fait un métier très de vagabond, en fin de compte. Dire, et je considère que les amis qui me fréquentent sont également des vagabonds. Ça fait qu'ils restent tant qu'ils ont resté. Quand ils en ont marre, ils s'en vont. Et puis, il y en a qui restent, il y en a qui s'en vont, ça change. Ou ils reviennent plus tard. Si vous aviez un message ou une déclaration à faire à vos fans de Genève, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, j'aimerais leur dire que je suis très heureux d'être à Genève, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas passé à Genève. Ça fait bien 4 ans maintenant. Si ce soir on cassait des chaises, qu'est-ce que vous diriez? Je serais le premier surpris, ça m'étonnerait qu'ici on casse des chaises. Goûtons à présent cette cuvée Johnny Hallyday 1969. Le voici au Palais des Sports de Paris. Du 26 avril 1969. Tu sais, je te connais. Tu es très belle. Tu es comme une femme. Allez, je te connais. Tu es très douce. Et sans cœur et sans âme. On croit trouver le ciel en. Yeah. notre vie. Et ce soir, je veux coucher entre tes bras avec ta le plus. Rivière, ouvre ton lit. Rivière, ouvre ton lit. Ah. Yeah. Je veux descendre au fond de toi. Rassurez-moi, j'entends bien, j'ai entendu des cuivres sur Rivière, ouvre ton lit, alors qu'il y a 2 minutes de ça, enfin il y a 5 minutes de ça, il disait qu'il n'y en avait plus. C'est ça, hein? J'ai pas rêvé. On va écouter une dernière fois John Hallyday qui faisait son autoportrait sur l'antenne de RTL. Moi, après tout, je suis un être humain. Et quand on parle de chanteur, en fin de compte, les gens oublient qu'on est des êtres humains souvent. Et j'imagine qu'on doit être dans la vie comme on est sur scène. Alors que ça n'a rien à voir, rien du tout. Non, la scène, c'est un numéro, ce n'est pas mon caractère. On me dit stupide, parce que je ne parle pas. Quand je ne connais pas quelqu'un, je n'ai rien à lui dire. Pour parler à quelqu'un, il faut le connaître, je ne veux pas parler à n'importe qui. Et puis je m'en fous qu'on me dise stupide. Moi, je sais ce que je suis, alors les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. En général, les gens qui pensent déjà avant de connaître quelqu'un sont un peu stupides eux-mêmes. Alors ça ne me touche pas. Je suis quelqu'un dans la vie qui fonce. Et je ne pense pas à après. Je pense au présent. Pour moi, l'avenir, ça ne veut rien dire. Je suis assez timide, même si je n'en ai pas l'air. Quand je rentre dans un endroit et que les gens me regardent, je ne sais plus marcher. Si parfois j'ai l'air prétentieux et que je marche les mains dans mes poches arrière, c'est simplement parce que je ne sais pas quoi faire. C'est très gênant quand les gens vous regardent. On a l'impression que c'est pour vous critiquer. Alors il faut se donner une contenance. Physiquement, parfois je me trouve bien et parfois je me trouve moche. Ça dépend des jours. Je n'aime pas me bagarrer, si cela veut dire se battre avec quelqu'un. Je me suis pourtant battu dans la rue, mais c'est parce qu'on m'a cherché. Ou bien on m'a traité de pédé. Ou bien c'est par jalousie à cause d'une fille. Par exemple, un gars avec sa petite amie, elle me demande l'autographe. Alors le gars lui dit, ton Johnny, je vais te montrer que c'est un con. De toute façon, ma vie, ça revient toujours aux filles. Mais dans la vie, je suis bagarreur. Je lutte pour ce que je veux être. Je veux être tout ce que les garçons rêvent d'être, représenter quelque chose dans la vie. Je ne voudrais pas être ce qu'est mon père. Et je ne voudrais pas que mon fils me juge un jour comme moi je juge mon père. C'est pour cela que je me suis créé un personnage. J'ai imaginé un gars idéal. Et j'essaye d'être ça. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va retrouver Johnny Hallyday, bagarreur, justement. On est toujours au show du Palais des Sports de 1969, la scène de du combat de boxe. Caché derrière mes poings. Et caché derrière mes poings. J'ai bu tous les grands temps. Mais j'ai 120%. Assis au premier rang. Et 100 kilos tassés dans une place à 1000 francs. Quand il a vu ma droite, il a acheté son cigare.

Johnny Sing and Talk des années 60 avec ce titre Je suis dans la rue. Johnny était toujours au Palais des Sports en 1969. En 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oui, je suis dans la rue, je suis dans la rue, dans la rue, dans la rue, ouais. Dans la ville où les murs sont toujours gris, derrière un terrain vague où se trouvent les taudis, dans un berceau de fer je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire, parce que je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire entrer le soir, et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir, le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Parce que je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue, dans la rue, ouais. Je m'en attends à présenter les nouveaux musiciens qui m'accompagnent sur scène. Ils sont dirigés à la guitare par Mickey Jones. Ils sont également dirigés à la batterie par Tommy Brown. Et également, vous avez vu danser, vous l'avez vu, vous l'avez entendu chanter. Les ballets sont de ça, chorégraphie. Mon grand ami, Lester Wilson et ses danseurs. Je suis né dans la rue, dans la rue, J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville on me cherchait. Et pas manger, parce que je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue, dans la rue. Maintenant je ne vis plus où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, moi je retourne dans la rue. Parce que je suis dans la rue. Je suis né dans la rue, dans la rue. On voudrait faire changer, mais c'est une cause perdue. Vous perdez votre temps, je reviendrai à la rue. Parce que je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Dans la rue. Dans la rue, ouais. Wow. Chers cette émission Johnny 2 à Z, la 526e émission ici sur RIG, avec pour thème Johnny Speak and non c'est Stock Talk and Sing sur l'antenne de RIG, et ça c'était pendant les années 60, donc c'était la première partie. On retrouvera la partie des années 70 au courant du mois de novembre. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté, assisté, participé à cette émission, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt toutes et à tous, bonne nuit, ciao ciao.